Je regarde par la fenêtre et le sol s'y s'endort. Mais c'est tellement beau la nuit, oui moi je sors dehors. Et toi tu m'as embrassé, oui ce matin encore. Oh oh oh oh oh oh. Oh oh oh oh oh. Oh oh oh oh. Oh oh oh oh. Sur la bouche, oui pour de vrai, tout au fond de mon lit. Après ton anniversaire, oui 16 ans aujourd'hui. Même si tu en fais 22, je m'en fous, tu me souris. Oh oh oh oh oh. Oh oh oh oh oh. Oh oh oh oh. Oh oh oh oh. J'avais même apporté l'appareil à croque-monsieur. Tout ça seulement à 3 semaines de la chenille bleue. Parfois le destin est bon, ce soir je suis heureux. Oh oh oh oh oh. Oh oh oh oh oh. Oh oh oh oh. Oh oh oh oh. Mais j'ai toujours ces angoisses que je traîne depuis toujours. Depuis qu'une blonde nymphomane a trahi mon amour. Dans un mois, où seras-tu, m'aimeras-tu toujours? Mais tant pis, j'ai bien compris, je vis au jour le jour.